Chapitre 13e. L'auto dans laquelle avaient fui Argoulian, Piébald et le ménage Clams, une 100 chevaux, avait donné aux essais chez le constructeur 132 km à l'heure. Argoulian, affolé, parvint à lui faire battre ce record. Lancée comme un bolide sur la route de Miramas, à Arles, elle fila comme elle ne l'avait jamais fait. À l'intérieur, Teddy, qui s'était laissé tomber sur la banquette capitonnée, semblait maintenant ignorer l'existence de Piébald. Il ne s'occupait même pas de sa femme qui, malgré les chaos infernaux de la voiture, s'était assoupie et, droit, rigide, regardait à travers la vitre le nuage de poussière blanche soulevé par l'auto en délire. Piébald, lui, avait reconquis tout son sang-froid. Après être resté pendant quelques instants assis sur un des strapontins face à la route, en essayant de se faire oublier, il s'était peu à peu rendu compte par des coups d'œil sournois que Teddy, après son fugitif accès d'énergie et de brutalité, était retombé dans sa torpeur. Décidément, la drogue de Goliath était excellente, bien que ses effets fussent intermittents. S'étant donc rassuré, Piébald avait repris courage. L'auto roulait à une allure d'enfer. Mais elle n'irait pas bien loin. D'un moment à l'autre, Corfe et Joey Blanquette trouveraient le moyen de télégraphier son signalement partout, et ce serait la fin, l'arrestation. Il fallait aviser. Cet imbécile d'Argoulian, penché sur son volant, ne pensait plus vraiment qu'à faire de la vitesse, sans se douter qu'à cette allure, la 100 chevaux allait l'amener droit en prison. Oui, il fallait aviser. Malgré sa jeunesse, Piébald était un garçon réfléchi, doué de plus d'une grande astuce naturelle. Après un bref regard à Teddy, qui ressemblait à quelque bœuf en train de ruminer, le bandit se dressa et, embouchant le porte-voix des bonites terminant le tube acoustique qui s'ouvrait à l'extérieur, juste derrière la tête du chauffeur, il cria « Hep, monsieur Argoulian, attention, ralentissez, nous ne risquons plus rien, je vais aller vous parler. » D'un mouvement des épaules, car à cette effroyable vitesse il n'osait se retourner de peur de donner quelque maladroit coup de volant, le marchand de pierreries fit comprendre à son acolyte qu'il avait entendu. Presque aussitôt, l'auto ralentit. Piébald ouvrit doucement la portière, sans que Teddy fît mine de s'en rendre compte, et par le marchepied rejoignit Argoulian aux côtés de qui il s'assit. « Vous avez vu l'avion ?» questionna le marchand de pierreries. « L'avion ?»« Oui, il nous suivait tout à l'heure. Il est resté pendant plus de 5 minutes à moins de 100 mètres de hauteur au-dessus de la voiture. Il a pris de l'altitude maintenant, mais on le voit encore. Levez la tête. En avant de nous, sur la gauche. » Piébald suivit ce conseil et dans le ciel blême distingua un grand aéroplane, celui-là même qui avait déposé les policiers auprès du train en détresse et qui, pour le moment, volait à environ 500 mètres du sol. « Mais qu'il aille au diable. Nous nous en moquons de cet avion, » grommela Piébald impatienté. « Ni Corfe ni Blanquette ne sont pas dedans, puisqu'ils nous poursuivaient au moment où l'auto a démarré. Ce doit être le pilote qui a repris l'air, sans eux. Nous, il nous faut aviser vite. Nous allons nous arrêter sous le plus prochain bouquet d'arbres pour camoufler l'auto. Ensuite, et Teddy, interrompit Argoulian. La voiture maintenant roulait à petite vitesse, 30 km à l'heure à peine. Teddy? Eh bien, la drogue de Goliath a recommencé à opérer. Teddy a eu un éclair de raison. À présent, il est de nouveau groggy, étourdi, comme ivre, bon à rien. Il est à nous, quoi. Et sa valise? Naturellement, elle est dans la voiture. Il faudrait la... Non, il ne faut pas lui donner d'émotion à cet homme, car il la couvre, sa valise. Il serait capable de se... Nous avons le temps, mais il faudrait nous assurer de lui le plus vite possible. Pour l'instant, il est tranquille. Procédons méthodiquement. D'abord, avant tout, maquillons l'auto. Ce sera facile, j'ai tout apporté, conclut Argoulian. Les deux bandits, pendant les minutes qui suivirent, n'échangèrent plus un mot. Argoulian ayant avisé peu après un chemin creusé d'ornières qui coupait la route à angle droit et moins de 100 mètres plus loin passait à travers un petit bois de pins et engagea l'auto. Bien qu'il eût encore ralenti l'allure de la voiture, celle-ci fut abominablement secouée par les trous, les pierres et les fondrières de toutes sortes parsemant le sol. L'auto fut arrêtée parmi les arbres. L'endroit n'aurait pu être mieux choisi. Pas la moindre habitation à plusieurs kilomètres à la ronde. De tous côtés, la plaine nue permettait à la vue de s'étendre au loin et empêchait toute surprise. Argoulian et Piébald sautèrent aussitôt à terre. En quelques minutes, ils eurent complètement changé l'aspect de la carrosserie de l'auto. Le toit, fait de lattes de bois recouvertes de toiles cirées épaisses et s'enroulant sur elle-même, furent retirées. Les glaces furent abaissées et les montants dans lesquels elles s'encastraient rabattus horizontalement. La limousine devint une torpedo. Teddy et sa jeune femme, complètement inconscients, regardaient sans manifester aucun sentiment. Piebald et Argoulian tirèrent ensuite du coffre à outils un bidon de peinture rouge au vernis, dont ils badigeonnèrent rapidement l'auto. Les roues furent peintes en noir, le radiateur nickelé fut enduit d'un liquide corrosif qui lui donna instantanément un aspect vert de grisé. La peinture rouge, qui devait contenir un très violent siccatif, fut sèche en moins d'une demi-heure. Le numéro de la voiture fut également changé, ainsi que les phares, qui furent remplacés par d'autres plus petits. « Si on a envoyé notre signalement, ricana Piebald, nous sommes tranquilles. On recherchera une limousine grise et c'est une torpedo rouge qui passera. Il ne reste plus qu'à changer nous-mêmes de costume. » « Il va falloir pour cela déranger Teddy et sa femme. J'ai casé les déguisements sous la banquette dans le coffre. »« Je m'en charge, » déclara Piebald. Il rentra dans la voiture et doucement souleva Teddy, qu'il poussa sur un des strapontins. Le géant se laissa faire passivement. Il en fut de même pour sa femme. Piebald souleva alors le capitonnage de la banquette et découvrit un vaste coffre renfermant une boîte de phares, plusieurs perruques, des chapeaux et des vêtements de toutes sortes. Un véritable magasin d'accessoires. Argoulian s'affubla d'une épaisse barbe blonde et changea son manteau de cuir contre une combinaison en toile kaki. Piebald revêtit un costume de clergyman noir à col montant et grommela « Avec cela, je défie qu'on me reconnaisse. » Il chaussa son nez d'une paire de lunettes rondes à monture d'écaille, à verre fumé, et murmura « Un vrai révérend, hein, monsieur Argoulian ?» « J'ai l'air d'un clergyman qui revient de convertir les Zoulous. »« Ou plutôt de convertir des marques en dollars, » ricana le marchand de pierreries. « Nous partons ?»« Naturellement. Il n'y a plus que Teddy et sa femme qui me chiffonnent. Nous n'avons pas de costume assez grand pour lui. Et puis ce serait toute une histoire que de le faire déshabiller. »« Il serait capable d'avoir un nouvel accès de rage. Il m'a à moitié étranglé, vous savez, monsieur Argoulian. Et quand je dis à moitié, c'est pour ne pas dire aux trois quarts. » « Alors partons, » conclut le marchand de pierreries. La peinture de l'auto était déjà sèche. Le moteur fut remis en marche, et le véhicule, ayant difficilement fait demi-tour à travers les pins, regagna la route d'Arles. Argoulian était trop matois pour se risquer à traverser cette ville. Il ignorait somme toute si le rapide qui avait dû se remettre en route ne s'y était pas arrêté. Il fallait tout craindre et tout prévoir. Le marchand de pierreries, ayant donc abandonné la grande route, gagna Aiguières par un chemin de grande communication. D'Aiguières, il s'enfuit à Cavaillon, et de là à Carpentras. Après Carpentras, ce fut Roquemort, sur le Rhône, qu'il traversa. De Roquemort, l'autorouge fila sur Alès, et par Montpellier, Albi, Montauban et Agen, elle arriva à Bordeaux sans que ses occupants eussent été une seule fois inquiétés. Teddy persistait dans sa torpeur. Il se laissait conduire comme un petit enfant. Piebald, d'ailleurs, avait soin de mélanger à sa nourriture une certaine poudre grise que lui avait remise Argoulian. La jeune femme, inutile de le dire, subissait le même traitement. Grâce à cette précaution, M. et Mme Edward Clams restaient bien tranquilles, obéissaient à tout ce qui leur était ordonné, buvaient, mangeaient, dormaient quand il le fallait, sans jamais élever la moindre protestation. Dans les hôtels où s'arrêtaient les voyageurs, de préférence dans de petites villes par prudence, l'on prenait Teddy et sa femme pour deux fous innocents. Piebald et Argoulian faisaient le nécessaire pour accréditer cette croyance. De Bordeaux, l'auto se dirigea vers Paris par le chemin des écoliers. Elle passa à Angoulême, Niort, Poitiers, Saumur, suivit la Loire jusqu'à Orléans, puis bifurqua sur Nonancourt, Chartres, Dreux, Évreux, Mantes, et finalement s'arrêta à la tombée de la nuit sur la route de Fontenay-sous-Bois à Nogent-sur-Marne, devant une grille monumentale aménagée dans une haute muraille de maçonnerie. Piebald sauta à terre. Il alla presser un bouton de cuivre encastré dans la muraille et au-dessus duquel, sur une plaque de marbre noir, ces mots étaient gravés. « Docteur Epaminondas Meraki, lauréat de l'Université de Philadelphie, grande médaille d'or à l'exposition de Chicago, maladie mentale, traitement varié. Consultation tous les matins de 9h à 10h et sur rendez-vous. Un petit homme de race mongolique apparut presque aussitôt derrière les barreaux de fer forgé. « C'est moi, avec Monsieur Gandour, » fit Piébald. L'Asiatique s'inclina et sans hâte ouvrit la grille. L'automobile franchit le seuil, pénétra dans un parc qu'elle traversa et lentement gagna une remise de briques dissimulée par une épaisse charmille. « Deux malades, » fit Piébald en désignant Teddy et sa femme. « Préviens les infirmiers. » « Tout de suite, » fit l'Asiatique en s'éloignant. Cependant que M. Argoulian sautait à bas de son siège et soupirait. « Je suis à moitié mort. » Le Chinois revint bientôt avec deux robustes gaillards à face de brute, au cou de taureau vêtu de longues blouses blanches. « Voilà les malades en question, » fit Piébald, qui, de son bras étendu, montra Teddy et son épouse, lesquels étaient restés bien tranquillement assis dans l'auto. « Folie douce, mais attention. Lui, il a des accès et il est vigoureux. Et ne touchez pas à sa valise, il vous sauterait dessus. Je vous accompagne d'ailleurs. » Les deux infirmiers eurent un sourire bestial et entendu, signifiant clairement qu'ils savaient comment mater les accès des malheureux qui leur étaient confiés. Teddy d'ailleurs descendit docilement de l'auto, sa valise à la main. Il aida sa femme à le rejoindre et l'air indifférent, calme, satisfait, suivit les deux infirmiers en donnant le bras à sa compagne. Piébald et Argoulian suivirent. Depuis l'enlèvement de Teddy, il n'avait encore pu voir ce que contenait son sac de cuir. Il espérait y trouver les perles de Carl Jacobsen. Mais chaque fois que Piébald ou son acolyte s'était approché du bienheureux sac, Teddy avait grincé des dents et une lueur de sang avait passé dans ses yeux. Et chaque nuit, il dormait la tête appuyée sur sa valise. À présent, les deux bandits espéraient bien toucher au but de leur convoitise.